Bon, je peux se dit? Posso. Posso, oui. Et je nous mène directement à ils au pluriel. Donc, ils peuvent se dit? Pot. Quand vous voulez dire ils au pluriel, quel que soit le verbe, vous partez de je. Prenons par exemple le verbe partir. Partire. Partire, oui. Comment dites-vous « je pars » ? Parto. Parto, c'est ça. Et comme je vous disais, parto vous mène à « ils partent », c'est-à-dire ? Partono. Partono, c'est ça. En suivant le même principe, comment diriez-vous « ils me le disent » ? Me lo dicono. Me lo dicono, tout à fait. Vous voyez qu'il vous suffit de partir de dico et d'aller directement à dicono. Comment dit-on? Je sais. So. So, oui. Mais ils savent se dit sanno. Sanno? Oui, parce que sapere fait partie d'un petit groupe de verbes irréguliers pour la formation du il ou elle au pluriel. Avere hanno, essere sono, dare danno, andare vanno, stare stanno et fare fanno. Mais à part ces quelques cas, et en dehors des verbes en are, je vous mènera directement à il ou elle au pluriel. Donc en partant de je peux, comment direz-vous ils peuvent. Possono. Possono, oui. Et que donnerait ils ne veulent pas le faire? Allez-y par étapes si ça vous pose problème. Je veux, c'est voglio. Oui. Et donc? Vogliono. Bien sûr, c'est ça. Vogliono. Alors, ils ne veulent pas le faire? Non vogliono farlo. Non vogliono farlo. Oui. Donc c'est bien ça. Pour il et elle au pluriel, à part les verbes en are et un petit nombre de verbes irréguliers, on part de je. Posso, possono. Et voglio, vogliono. Comment dit-on comprendre? Capire. Capire. Mmh. Et comment dit-on ils comprennent? Capiscono. Capiscono, oui. Quel est l'équivalent italien de finir? Finire. Finire, oui. Je finis, finisco. Et ils finissent? Finiscono. Finiscono, c'est ça. Donc, vous voyez qu'il est inutile d'apprendre les conjugaisons par cœur. C'est-à-dire toutes les personnes, je, tu, il, nous, vous, il. Pour le il pluriel, par exemple, c'est ce que nous venons de voir. Si on a un verbe en ere ou en ire, il suffit de penser tout de suite à je et le tour est joué. Pour voi, c'est pareil, sauf qu'on part de l'infinitif. Par exemple, si vous voulez dire vous pouvez avec potere, ça donnera potete. Exactement. Parce qu'on part de potere pour arriver à potete. D'accord? Par contre, comment dites-vous ils peuvent? Pote. Attention, quel est le point de départ pour trouver la forme qui correspond à il au pluriel? L'infinitif? Non. L'infinitif sert à former voi. Ah, pardon. Il au pluriel. Comment dit-on « je peux » ? Posso. Et ils peuvent ? Possono. Possono, oui, bien. Maintenant, prenons un exemple avec « voi ». Vous dites, se dit ? Alors, le point de départ pour « voi », c'est l'infinitif. Quel est l'infinitif dans ce cas, dans une phrase comme « vous dites » ? Dire. Dire, oui. Donc, si l'infinitif est dire, la forme avec voi, c'est Di. Remplacez le R de l'infinitif par un T. Dite. Dite, oui, voilà. Supposons maintenant que vous vous adressiez à plusieurs personnes et que vous leur demandiez pourquoi ne me le dites-vous pas. Perché non me lo dite? Ce n'est pas dite, mais... Dite. Dite, oui. Perché non me lo dite?